national, près du bord de la route. Je n'ai vu qu'elle et son pouce. Dans ma voiture, elle est montée d'une voix timide, un peu coincée. Elle me dit qu'elle est gogo dans une boîte à Paris. Un Walkman sur la tête, elle écoute Roy Roberts. Bien au chaud, dans ma caisse, elle balance ses petites fesses. Dans ma petite tête, tout se bouscule. Je crois que j'ai l'air ridicule. Je l'imagine dans une tenue brodée en soie de Chine. Et quand elle danse, elle danse, oh oh, sous les feux de la rampe, plus rien ne la dérange. This girl is beautiful, but you must be careful. Et quand elle glisse, au milieu de la piste, plus rien ne lui résiste. Don't you see the difference, man? Surchauffé, j'entends les sifflets de ces mâles en plein délire qui voudraient la séduire. Et sur ses jambes longues et fines, elle fait glisser ses barésies. Et soudain, le silence, puis la magie commence. Et quand elle danse, oh, sous un soleil étrange, un rythme se déhanche. This girl is beautiful, but you must be careful. Et quand elle glisse, elle aime, prend tous les risques, plus rien ne lui résiste. Don't you see the difference, man? Don't fall in love. Et quand elle danse, elle danse, oh oh, elle tourne avec les anges, elle est dans la cadence. This girl is beautiful, but you must be careful. Et quand elle glisse, tous les regards la fixent au milieu de la piste. Don't you see the difference, man? Don't fall in love, woman. Quand le show fut terminé, ravi je l'ai accompagné devant chez elle, je l'ai largué. Le dernier verre j'ai proposé. Bizarrement, sa voix avait changé. Si t'as envie, tu peux monter, à condition m'appeler Didier, Didier, oh Didier.